La maison d'édition russe Knijny Mir a fait paraître en brochure le troisième chapitre « Réunifions la patrie en toute indépendance et par voie pacifique » tiré de l'ouvrage classique du président Kim Il-sung, rapport d'activité du comité central présenté au 6e congrès du Parti du Travail de Corée et les œuvres classiques du général Kim Jong-il pour s'imprégner d'une conception juste de la révolution, réponse aux questions posées par l'agence de presse russe Itartas. Et la philosophie du jeté est une philosophie révolutionnaire originale. Le service de parution a eu lieu sur place. Dans la salle se trouvaient les portraits en sourire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il. Y ont participé les personnalités et membres de diverses organisations, comme l'Association russe d'amitié et de coopération culturelle avec la République populaire démocratique de Corée, le groupe russe de solidarité avec la République populaire démocratique de Corée et l'Union des écrivains russes, et les diplomates de l'ambassade coréenne dans ce pays.